ta bouteille de vodka qui est toujours pleine. Tu le sais toi, je ne reste de promesses. Lâché par un moment d'ivresse, un reste de mémoire, de tendres instants de caresses. Noyé par la tristesse, voué à rester au placard. Là, face à mes peurs et puis tes choix, face à ma joie et sa minceur. Entre ma flemme et ton courage, les sages ont voulu que l'on sème un eau de graines de passion. Entre des puits de compassion, des graines qui nous le savions prendraient la forme d'affection. Là, devant ta bouteille de vodka, qui malgré tout m'attire des fois. Moi qui croyais le faire pour toi, je buvais pour fuir les mois. Qu'avec toi enfin j'oubliais même le temps d'un court baiser. Là, face à ma honte et ta confiance, face à mes doutes et ta patience, entre la dette et le respect, derrière ta façade j'ai trouvé la douceur et le fond qui mérite tant d'attention. Je ne vais pas donner à qui j'implore l'absolution. Elle, mon obscurité, l'étincelle, elle qui pousse une flûte, un brin de soleil dans ce noir. Elle s'emparait de mes plaies pour en douceur cicatriser. Elle m'accrochait la tête aux pieds avec ardeur pour me garder au sol et ne pas pivoter. Elle, moi qui suffire la perte de ce nouveau soleil. De vodka à se demander si on la boit, si on la garde comme un symbole de l'inspiration de pétrole, à s'en vouloir d'être indécis, si bien qu'on en arrive ici à rendre hommage par chanson, car pour le dire on est trop con, trop orgueilleux pour dire pardon. Belle fut notre union, un peu de miel pour nos démons comme des ailes. Quelle ascension tu m'as offerte, une trêve, un répit, un bout de rêve, un bout de vie, un bout de toi que je méritais peut-être pas. Promis une chanson, bien la voici. Et puis pardon,